بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Ô prophète, crains Allah, n'obéis pas aux mécréants et aux hypocrites. Allah est omniscient et sage. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. Suis ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur, car Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Confie-toi à Allah, qu'Allah te suffise comme protecteur. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. Allah n'a pas mis de cœur dans la poitrine de l'homme. Il n'a point fait de vos épouses vos mères, vos épouses que vous répudiez, en affirmant qu'elles vous sont aussi défendues que vos mères. Et il n'a point fait de vos enfants adoptifs, vos vrais enfants. Ce ne sont là que des paroles qui sortent de votre bouche. Allah, lui, dit la vérité. Et il conduit vers le droit chemin. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. Affiliez ces enfants adoptifs à leur vrai père. Cela est plus juste pour Allah. Et si vous ne connaissez pas leur père, ce sont donc vos frères en religion ou vos alliés. Nul grief ne vous sera fait de vos erreurs, mais il vous en sera fait de ce que vos cœurs commettent personnellement. Allah est absoluteur et tout miséricordieux. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. Le prophète a plus de droits sur les croyants que ceux-ci n'en ont sur eux-mêmes. Ses épouses sont leurs mères dans les successions. Selon le livre d'Allah, les liens de consanguinité sont prioritaires en héritage par rapport à ceux qui unissent les croyants et les émigrés. À moins pour vous de faire une donation en faveur de vos alliés en religion, car cela est inscrit dans le livre. Évoque lorsque nous avons pris des prophètes un engagement, ainsi que de toi-même, de Noé, d'Abraham, de Moïse et de Jésus, fils de Marie. C'est un engagement solennel que nous avons pris d'eux. Afin qu'Allah interrogea ceux qui sont sincères sur leur sincérité. Il a préparé aux mécréants un supplice très douloureux. Ya ayyuhal ladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'atkum junudun fa arsalna alayhim riha. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. Oh, vous qui avez cru, rappelez-vous ce bienfait d'Allah envers vous, lorsque des armées vous ont assiégé et que nous avons envoyé contre elles un vent et des troupes que vous ne pouviez voir. Allah voit clairement tout ce que vous faites. إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا. Il venait alors vers vous, par au-dessus de vous et par en dessous. Les yeux étaient révulsés et les gorges nouées, et vous hasardiez au sujet d'Allah les fausses conjectures. Là, les croyants furent mis à l'épreuve et durement ébranlés. Alors, les hypocrites et ceux qui avaient le cœur malade disaient, Allah et son messager ne nous ont promis que des illusions. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. Un groupe parmi eux disait, ô gens de Yathrib, il n'y a pas de place pour vous ici, retournez donc chez vous. Un autre groupe demandait au prophète la permission de s'en aller en disant, nos maisons sont exposées au danger. Or, elles ne l'étaient point, et ils ne pensaient qu'à prendre la fuite. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. Si l'ennemi avait pénétré dans la ville par tous les côtés et qu'il les ait exhortés à apostasier, ils auraient obtempéré sans trop d'hésitation. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. Ils avaient pourtant pris l'engagement devant Allah de ne point fuir l'ennemi. Ils auront certes à répondre de leur engagement envers Allah. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. Dis, il ne vous servira à rien de fuir pour éviter la mort naturelle ou d'être tué au combat, car vous ne jouirez de la vie que pour peu de temps. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Dis, qui vous protégera contre Allah si entend vous frapper d'un malheur ou vous combler d'une grâce? Ils ne trouveront pour eux-mêmes, en dehors d'Allah, ni allié, ni soutien. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. Allah connaît certes ceux qui parmi vous font obstruction au combat, ceux qui disent à leurs frères, rejoignez-nous. Cela ne montre que peu de zèle au combat. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. Et sont bien avares lorsqu'il s'agit de vous prêter main forte. Quand ils prennent peur, tu les vois qui te regardent avec les yeux chavirés de celui qui s'évanouit à l'approche de la mort. Puis, quand la peur s'en va, ils vous écorchent de leurs langues acérées, car ils sont âpres à réclamer le butin. Ceux-là n'ont jamais eu la foi. Allah annulera leurs œuvres, et c'est pour lui chose vraiment aisée. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. Ils s'imaginent que les coalisés ne sont pas partis. Mais si les coalisés revenaient, ces mécréants souhaiteraient se trouver parmi les nomades du désert, demandant de loin de vos nouvelles. Et s'ils étaient parmi vous, ils ne combattraient que très peu à vos côtés. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Vous avez dans le message d'Allah un bel exemple à suivre par quiconque espère en Allah et au jour dernier et qui souvent évoque Allah. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Lorsque les croyants virent les coalisés, ils dirent: voilà la promesse que nous avait faite Allah et son messager. Allah et son messager disaient donc vrai. Et cela ne fit qu'accroître leur foi et leur soumission. Il est parmi les croyants des hommes qui ont honoré leur engagement envers Allah. Il en est qui ont atteint la fin de leur jour, d'autres l'attendent toujours, sans avoir rien changé à leur engagement initial. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. Allah récompensera alors ceux qui sont sincères pour leur sincérité, mais il soumettra au supplice les hypocrites s'il le veut ou acceptera le repentir. Car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. Allah a repoussé les mécréants, écumant de rage, et sans avoir récolté aucun bien. Allah a évité aux croyants de livrer combat. Allah est fort et tout-puissant. Il a fait descendre de leur forteresse ceux qui, parmi les gens du livre, les avaient soutenus. Il a jeté la terreur dans leur cœur. Vous avez tué une partie d'entre eux, et vous avez tenu en captivité une autre. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. Il vous a fait hériter de leur terre, de leur demeure, de leur bien et de notre terre que vous n'aviez point foulée. Allah est de toute chose infiniment capable. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. Ô prophète, dis à tes épouses, si c'est la vie en ce bas monde que vous désirez, avec son apparat, venez donc que je vous offre en jouissance quelques biens compensatoires, et que je vous libère d'une bien belle manière. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. Et si c'est Allah, son messager, la demeure ultime que vous recherchez, alors sachez qu'Allah a préparé aux bienfaitrices d'entre vous une immense récompense. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. Ô femme du prophète, Celle d'entre vous qui aura commis une flagrante turpitude verra son supplice doublé. C'est pour Allah, chose vraiment aisée. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. À celle d'entre vous qui se soumet entièrement à Allah et à son messager, et fait le bien, nous attribuerons le double de sa récompense et lui réserverons des dons généreux. يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. Ô femme du prophète, vous n'êtes semblable à aucune des autres femmes. Si vous faites montre de piété, n'adoucissez pas vos propos, pour que les cœurs malades n'aient pas des vues malsaines sur vous. Ne tenez que des propos décents. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Demeurez dans vos foyers et n'exhibez pas vos charmes, comme faisaient les femmes de l'époque pré-islamique, Jahiliya. Accomplissez la salat. Acquittez-vous de la zakat, obéissez à Allah et à son messager. Allah ne veut qu'éloigner de vous la souillure, aux gens de la maison du prophète. Il veut vous purifier complètement. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. إن الله كان لطيفا خبيرا. Évoquez les versets d'Allah et la sagesse qui sont récités dans vos demeures. Allah est subtil et informé. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, les soumis et les soumises, les loyaux et les loyales, les endurants et les endurantes, ceux et celles qui se recueillent, ceux et celles qui font la charité, les jeûneurs et les jeûneuses, ceux et celles qui préservent leur chasteté, et ceux et celles qui évoquent fréquemment le nom d'Allah, à tout cela, Allah a préparé un pardon et une immense récompense. Il n'appartient nullement à un croyant ou à une croyante, lorsqu'Allah et son messager ont décidé d'une affaire, d'avoir le choix d'en décider à leur tour. Quiconque désobéit à Allah et à son messager, c'est perd manifestement. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. Souviens-toi, Mohammed, quand tu disais à celui qu'Allah a comblé de ses faveurs et que tu as aussi comblé des tiennes, garde auprès de toi ton épouse et crains Allah. Tu cachais alors en toi-même ce qu'Allah allait dévoiler. Tu craignais les hommes, alors qu'Allah est plus digne que tu le craignes. Lorsque Zayd eut mis fin à tout rapport avec elle, nous te la donnâmes comme épouse, afin que les croyants n'aient plus à s'embarrasser d'épouser les femmes de leur fils adoptif, une fois que ces derniers cessent tout rapport avec elle. L'arrêt d'Allah doit être ainsi accompli. Ma kana ala an-nabiyyi min harajin fima faradallahu lah, sunnatallahi fil ladhina khalaw min qabl, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Il n'est aucun reproche à faire au prophète en ce qu'Allah lui a prescrit, selon la règle divine, établie depuis toujours pour ceux qui ont vécu par le passé. L'ordre d'Allah est un arrêt inéluctable. Ceux qui transmettaient le message d'Allah craignaient Allah et ne craignaient nul autre que lui. Allah suffit pour dresser les comptes. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Muhammad n'est le père d'aucun homme parmi vous, mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Allah est de toutes choses omniscient. Ya ayyuha alladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Ô vous qui avez cru, évoquez Allah fréquemment. Wa sabbihuhu bukratan wa asila. Rendez-lui gloire, matin et soir. Huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan-nur. C'est lui qui répand sur vous ses bénédictions, ainsi que ses anges, pour vous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Et il est, envers les croyants, tout miséricordieux. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. La salutation qui leur sera adressée le jour où ils le rencontreront sera paix, salam. Et il leur a préparé une large récompense. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. Ô prophète, nous t'avons envoyé en témoin, en annonciateur et en avertisseur. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Pour rappeler à Allah avec sa permission et pour éclairer un flambeau lumineux. Annonce l'heureuse nouvelle aux croyants qu'ils auront d'Allah une grande faveur. N'obéis pas aux mécréants et aux hypocrites, ne fais pas grand cas de leurs méfaits. Confie-toi à Allah, qu'Allah te suffise en parfait protecteur. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. Oh, vous qui avez cru, quand vous épousez des croyantes, puis divorcez avec elles avant d'avoir consommé le mariage, vous n'avez aucune période de viduité, aïda, à leur imposer. Offrez-leur en jouissance quelques biens compensatoires et libérez-les d'une bien belle manière. Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati atayta ujurahunna wa ma malakat yaminuk mimma afaa Allahu alayka wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatik allati hadarna ma'aka wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabiyyi in arada an nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min duni al-mu'minin. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses, que tu as dotées d'un mari, tes esclaves ou captives, que tu possèdes de droit et qu'Allah t'a accordé. Les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes maternelles, les filles de ton oncle maternel et les filles de tes tantes maternelles, parmi celles qui avaient émigré en ta compagnie, et toute femme croyante qui s'offre en mariage au prophète, à condition que le prophète daigne la prendre pour épouse. C'est là une faveur qui t'est destinée exclusivement et en dehors de tous les croyants. Nous savons ainsi ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses, et de celles qu'ils possèdent de droit, afin qu'il ne te soit fait aucun grief. Allah est absoluteur et tout miséricordieux. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. Tu pourras faire attendre qui tu voudras parmi elles, et tu en retiendras à tes côtés qui tu voudras. Tu pourras, sans s'encouvrir aucun grief, en reprendre une parmi celles dont tu étais auparavant séparées. Cela est plus à même de les réjouir, de leur faire oublier leur chagrin et de les satisfaire de ce que tu leur as accordé à toutes. Allah, c'est ce que recèle vos cœurs. Allah est omniscient et longanime. La yahillu lakan nisa'u min ba'du wa la an tabaddala bihinna min azwajin wa law a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuk wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba. Il n'est plus licite d'épouser d'autres femmes, ni d'en changer, même si tu es attiré par leur beauté, hormis celle que tu possèdes de droit. Allah veille sur toutes choses. Ya ayyuha alladhina amanu la tadkhulu buyutan nabiy illa an yu'dhana lakum ila ta'amin ghayra nadirin inahu walakin idha du'itum fadkhulu fa idha ta'imtum fantashiru wa la musta'nisin li hadith. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. Ô vous qui avez cru, N'entrez dans les maisons du prophète que si vous êtes conviés à un repas et sans être là à attendre que celui-ci soit prêt. Mais quand vous êtes invités, entrez. Et une fois que vous avez mangé, dispersez-vous en évitant de prendre vos aises pour tenir conversation. Car cela contrarie le prophète, qui a honte de vous l'avouer. Allah, lui, n'a pas honte de dire la vérité. Si vous leur demandez aux épouses du prophète quel objet, faites-le derrière un rideau, cela est plus pur pour vos cœurs et pour les leurs. Vous n'avez pas à faire de la peine au messager d'Allah, pas plus que vous ne devez épouser jamais ces femmes après lui. Car pour Allah, il s'agit là d'un péché d'une énorme gravité. Que vous révéliez quelque chose au grand jour, ou que vous le gardiez secret, Allah, c'est parfaitement toute chose. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. Il n'y a aucun grief à leur faire. Si les femmes se montrent sans voile devant leur père, leurs fils, leurs frères, les fils de leurs frères, les fils de leurs sœurs, les femmes musulmanes et celles qu'elles possèdent de droit. Craignez Allah, ô femmes, car Allah est de toutes choses témoin. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allah et ses anges répandent les bénédictions sur le prophète. Oh, vous qui avez cru, répandez donc sur lui bénédictions et salut. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. Ceux qui offensent Allah et son messager, Allah les maudira en ce bas monde et dans l'autre, et il leur a préparé un supplice humiliant. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Et ceux qui offensent les croyants et les croyantes pour ce qu'ils n'ont pas commis assument une ignoble calomnie et un péché manifeste. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants, de ramener sur elles une partie de leur mante. Cela, afin qu'elles puissent être reconnues et que leur soit évité d'être importunées. Allah est absoluteur et tout miséricordieux. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. Si les hypocrites, ceux dont les cœurs sont malades, et les colporteurs de fausses nouvelles à Médine ne mettent pas fin à leurs agissements, nous te pousserons à sévir contre eux, et ils ne resteront plus guère en ton voisinage. Maudits ils sont, et ils seront saisis où qu'ils se trouvent, pour être tués sans aucune pitié. Telle est la tradition d'Allah, établie depuis toujours pour ceux qui ont vécu par le passé, et tu ne saurais trouver changement à la règle d'Allah. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. Les hommes t'interrogent au sujet de l'heure. Dis, ta science ne relève que d'Allah. Qu'est-ce que tu en sais toi-même? L'heure est peut-être toute proche. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. Allah a maudit les mécréants et leur a préparé une fournaise. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. Où ils demeureront à tout jamais sans trouver allié ni protecteur. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. Le jour où dans le feu leurs visages seront tournés et retournés, ils diront si seulement nous avions obéi à Allah et obéi au messager. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. Ils diront encore Seigneur, nous avons obéi à nos maîtres et à ceux qui étaient grands parmi nous. Ils nous ont fait perdre le chemin droit. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Seigneur, fais-leur subir le double du supplice et maudis-les de la plus grande des malédictions. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. Oh, vous qui avez cru, ne soyez pas comme ceux qui ont offensé Moïse. Allah l'a innocenté de leurs allégations et il était auprès d'Allah tenu en très haute estime. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Oh, vous qui avez cru, craignez Allah, tenez des propos justes et droits. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Il rendra vos œuvres meilleures et vous pardonnera vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager atteindra la plus grande réussite. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Nous avons proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes, d'assumer la charge du discernement entre le vrai et le faux. Mais ils ont refusé de l'assumer et ont pris peur. L'homme l'a assumé, car il est grandement injuste et si ignorant. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Tout cela afin qu'Allah soumette au supplice les hypocrites, qu'ils soient hommes ou femmes, et les associates, qu'ils soient hommes ou femmes, et accepte le repentir des croyants et des croyantes. Allah est absoluteur et tout miséricordieux.